Joe, cours pas comme ça, dis, y a pas de feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, j'en mourrai pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus la montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein. Et de quoi? Hey Joe, le Vietnam, la bombe, tu t'en fous de tout ça? Comme tu dis la vie, c'est le métro à 6 heures. Et chacun pour soi. Mais pour toi Joe, y a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi? Yeah, Joe, pourquoi t'as de la chance dans les doigts. Hey, hey Joe, en naissant, t'as marché dans quoi? T'as toujours les poches pleines, la voiture de l'année, dis donc ma parole, on en oublie. Décidé. Macho, tu vois, je n'ai plus rien. Je pensais avoir une fille bien à moi. Mais il paraît chaud qu'elle dort maintenant entre tes draps. Bravo! Tu vois Joe, hier je rêvais d'avoir ta peau. Mais Joe, je préfère te voir souffrir, et de cette fille, je t'en fais cadeau. Allez, bonne chance Joe.